de sa faute à lui. Ah merde. Ouais, hein, on le voit pas, mais... Ah, voilà. Hein, donc, qui c'est le patron? Bon, vous avez capté. Bon, vous avez capté le truc, c'est... Hey, oh, let's go. Hey, ouais. Ah, non. Vous dites n'importe quoi après. Hey, tu refais le 1, 2, 3, 4, c'était bon, ça. 1, 2, 3, 4... Let's go! Hey! Oh!